Nova Records présente Nova Tunes 44. Le meilleur de Radio Nova. Une année de grands mix en 25 titres emblématiques. Nova Tunes 44, disponible le 24 février, exclusivement en streaming et téléchargement. Nova. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Melvin Schlemmer, est-ce que c'est le cas? Oui, un excellent week-end. Très bien, à la réalisation. Rachel Imbiga, est-ce que c'est le cas aussi? Oui, c'était super. Ah, ok, très bien. Je vous présente un petit nouveau, mais pour l'émission exceptionnellement, Thomas Bangalter, bonsoir. Bonsoir David. Est-ce que tu es prêt à nous faire partager tes goûts musicaux? Oui, ah, oui, très bien. Bon, très bien. Alors c'est à l'occasion évidemment de ce... Il vient de me le filer là, en coffret, ce magnifique coffret, on va dire. C'est un disque, c'est les trois vinyles qui reprennent le double CD du nouvel album de Thomas Bangalter dont on va parler dans cette émission. Le premier disque que je voulais te faire écouter, mais sans forcément que tu me donnes ton ressenti après, hein, c'est juste pour l'information, mais je trouve ça assez rigolo. C'est un duo anglais masqué. Personne ne sait qui c'est, peut-être qu'ils sont personne si ce n'est eux-mêmes, hein, bien évidemment, mais en tout cas, on n'a jamais vu leur visage. Et à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils ont des bas, des masques, enfin, tu connais un petit peu le processus. Il s'appelle Two Shell. Mom is calling. Would you like to answer? Mom is calling. Would you like to answer? Would you like to answer? Mom is calling. Would you like to answer? Would you like to answer? Would you like to answer? Mama's calling. Would you like to answer? Mama's calling. Would you like to answer? Would you like to answer? Mama's calling. Would you like to answer? Hello, darling. How are you getting on? What have you been up to? I love you so much. Please look after yourself. Hello, darling. Yeah, how are you getting on? Yeah, yeah, look, I'm doing okay. Yeah. What have you been up to? Yeah, yeah, look, I'm doing okay. I love you so much. Yeah, Mom is calling, maman vous appelle, c'est extrait du EP, il vient de sortir parce que ça a été distillé par bout de petits morceaux, là l'intégrale est disponible de ce duo mystérieux donc, mais quand on connaîtra leur nom peut-être que ça nous dira rien, on le suppose d'ailleurs, qui sont apparus depuis quoi, 2-3 ans maintenant et ça commence à prendre des proportions vraiment intéressantes. Le duo s'appelle Two Shell, donc deux coques, et le EP c'est les petits esprits au pluriel, je vais tout vous traduire, Little Spirits. Coucou, Nova. Nova. You gotta go with Club. Nova Club. Le salon musical de Radio Nova. Check this out. Avec David Blou. Et donc, bienvenue dans le Nova Club. Nouvelle semaine, tous les soirs, le salon musical de Radio Nova, 19h à 21h. Thomas Bangalter avec nous, ce qui nous fait rudement plaisir, évidemment. D'une radio que t'as quand même pas mal fréquentée, en vrai, au fil des années. Carrément. Bon, la dernière fois, ça remonte, hein, quand même. Et ça, bah, c'est il y a 10 ans. Hein, c'était l'album, quand même. Tu les vois passer, toi, les 10 ans, là, entre Random. La dernière fois, c'était à Nova, en 2013. C'était évidemment la sortie de Ram, et aujourd'hui. Ouais, écoute, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on se connaît en même temps. Ah, pff, alors là, 94, un truc comme ça. Ouais, tu vois, là, c'est les 30 ans. Là, ouais, c'est une autre histoire encore. Tu t'es venu, alors on va parler un peu du disque. Je précise tout de suite aux gens qu'on va pas faire, parce qu'il y a des gens qui me disent, oh là là, on va enfin tout savoir. On va pas faire interview à bâton rompu, à reparler des daft et tout ça dans tous les sens. Enfin, après, si tu veux nous dire des choses, tu es bienvenu, hein, mais ça va pas être le but de l'histoire. Le but de l'histoire, c'est comme tous les soirs dans le Nova Club, les invités viennent avec une sélection de morceaux qu'ils écoutent. Un peu en rapport aussi avec ce nouveau projet qui s'appelle Mythologie. Un peu ou pas du tout? C'est... Pas vraiment. Pas vraiment. En fait. Un tout petit peu, mais j'ai pas très très très peu, peut-être à 10% en rapport, un truc comme ça. Donc ça veut dire que c'est vraiment les disques que t'écoutes actuellement? Non plus. C'est ce, alors pourquoi? C'est ce que t'as voulu choisir? C'est complètement random en fait. J'ai fait ça, ouais, ça. Non, mais je rigole, mais. Je sais pas, tu m'as demandé de faire une petite sélection de musique. Oui, ce qui avait l'air de te plaire, hein, d'ailleurs. Ouais, carrément, bien sûr. Donc voilà, j'ai pris quelques morceaux comme ça que j'avais envie de partager avec toi. Alors, il y aura un peu de classique quand même, hein, dans la sélection, puis des choses assez douces en règle générale, hein, oui. Musicalement. C'est le tempo que t'écoutes quand même chez toi ou pas? Oui, des choses plutôt posées, quoi. Ça dépend, mais chez moi j'aime bien écouter des trucs doux. Ouais. Comment t'écoutes la musique maintenant que c'est devenu complètement le bordel des écoutes? Je sais que t'es pas très friand de technologie au sens streaming et compagnie, alors comment t'écoutes la musique? Là je suis un peu dans les cartons parce que je vais bientôt déménager, donc c'est encore plus le bazar chez moi, mais... on a quand même une platine vinyle, ouais, avec des petites enceintes. Ça reste le meilleur endroit, je sais pas, un endroit, le meilleur plateforme, le meilleur moyen pour écouter de la musique que le vinyle pour toi? Moi, c'est le cérémonial que je préfère, même si on écoute un petit peu, un petit peu avec les enceintes connectées, mais je préfère le vinyle. D'accord. Bon, alors ça sera pas en vinyle, hein, qu'on va. La dernière fois, on l'avait fait en vinyle. Tu te rappelles, vous étiez venu avec les vinyles. Ouais, c'est d'ailleurs. Possible. Ouais, t'avais sorti. Je rappelle, c'était les vinyles de l'époque, donc ils étaient tous rayés, ils grattaient tous. C'était les exactement. Trucs DJ. Ouais. Ça, c'était à l'époque de Random Access Memory. J'ai dans ma main la liste des morceaux que Thomas va nous faire découvrir dans cette émission. Et puis de temps à autre, comme il y a un peu de pub juste derrière, je viendrai avec une nouveauté. Comme par exemple, il y en a au moins un des trois là que tu connais dans le disque qui va sortir, tu connais les deux autres, hein, je sais pas. Le rappeur Aminé, le producteur canadien Kate Ranada, et puis le rappeur slash producteur slash chanteur slash mégastar slash boss de Louis Vuitton, n'est-ce pas, Pharrell Williams aussi sur ce titre. T'as envie de découvrir ça? Avec plaisir. Aminé, Kate Ranada, Forever, c'est le nom du morceau, featuring Pharrell Williams, c'est après la pub dans le Nova Club, à tout de suite. Nova, le Nova Club. Le Nova Club. Nova. Radio Nova. Le Nova Club. Say, that is forever. That is forever. but my French so fray. Como tu t'appelles, je m'appelle Aminé. I'm staring at your eyes, but you're staring at my lips. We talking about your mama, but you thinking about my dick. I catch on these nuances in the sis. I told her get a grip, then she hit me with a grip. In public. She so loud, she sounds so disgusting. We so loud, it sound like a discussion. I hit it with some rhythm, call it pussy percussion. Spank that ass, broke her back up in London. Hit it like Anderson, pack that pussy up, baby, I handle it. No matter if you're with somebody new. You gon' think about me and I think about you too. À ma gauche et à ma droite, enfin vous les placez où vous voulez. À ma gauche, le rappeur Aminé, à ma droite, le producteur Ketranada. Les deux ensemble, ça donne un nouveau projet qui s'appelle, attention jeu de mots, Ketraminé. Mais tout ça rapproché hein, dans le même truc, Ketraminé, avec, pour ce premier single, j'imagine qu'il y aura un album et tout ça, hein, Ketraminé d'ailleurs, avec ce, pour ce premier single, la participation de quelqu'un qui est toujours dans tous les bons plans à un moment ou à un autre, et qui s'appelle Pharrell Williams. Nova. Vous êtes sur Radio Nova et vous écoutez le Nova Club. Nova. On est en direct jusqu'à 21h avec Thomas Bangalter et cet album, ce premier projet post-Daft Punk effectif, en tout cas qu'on a pu entendre, qui est d'abord un ballet, qui a été joué. Performer, qu'est-ce qu'on dit jouer ? C'est quoi le terme en ballet généralement ? Danser, interpréter, oui, ouais. Interpréter sans doute. Interpréter à Bordeaux avec Angelin Précoljage à la réalisation. Je ne suis pas gouré dans à la réalisation et toi qui as fait effectivement cette bande originale, peut-être cette bande, oui, on peut dire aussi bande originale. Oui, on pourrait. En l'occurrence. avec quelque chose qui est dit dans pas mal d'interviews, c'est que lui à la base imaginait plus quelque chose comme Tron Legacy, ce que vous avez fait, un mélange d'électro. Et effectivement de classique au sens large. Et toi, t'as resserré sur l'idée, travaillons vraiment qu'avec des vrais musiciens et avec des vrais instruments. Ouais. Ouais. Y a toujours un peu de décalage, en fait, c'est rigolo, parce que quand on avait rencontré le réalisateur de Tron, il voulait un truc complètement électronique. Et donc, on avait dit non, ce serait bien de mettre. De travailler avec l'orchestre aussi, de mélanger les deux. Et puis là, la référence, c'était un peu l'étape d'avant qui était Tron. Et moi, ça m'intéressait. D'écrire pour l'orchestre et puis aussi comme ça allait être un ballet qui allait être joué à l'Opéra de Bordeaux en direct, faire communiquer à la fois l'orchestre et les machines, c'est un petit peu périlleux, ça peut prendre du temps et moi j'avais envie d'aborder ça de manière plus simple au départ, enfin plus simple, vraiment exclusivement avec l'orchestre. C'est plus simple de demander à un violoniste de jouer du violon que de faire partir le son sur une machine, c'est ça que tu veux dire ? Ou de mélanger les deux, oui, ça peut être compliqué. Pour Tron, après l'enregistrement, il y avait eu quand même des longues semaines de montage, de recalage, etc. aussi. Et un orchestre, c'est vraiment un ensemble qui a un vrai équilibre. Et moi, j'avais juste envie de leur donner la partition et de les laisser avec leur équilibre plutôt que de commencer à déséquilibrer en rajoutant des machines, d'autres trucs et tout. D'accord, ça. D'accord, ok. Alors, c'est une des questions que je me posais. T'as pas travaillé avec eux directement, quoi. T'as donné une partition. C'est vraiment comme ça que ça marche d'habitude, la musique. Enfin, j'ai travaillé avec le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre a dirigé cette partition, mais lui, il la connaissait déjà. Oui, il la connaissait, et à la fois les 55 musiciens qui l'ont joué, il la découvre quelques jours avant le début du spectacle. Mm-hmm. C'est comme ça que ça marche dans la musique symphonique, parce que ça demande du monde et que t'as des fois 50, 60, 70 musiciens qui jouent. Et le temps de répétition et leur temps est compté, en fait. Et alors, qu'est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on entend? Parce que ça a été joué en live quand c'était à Bordeaux, j'imagine, parce qu'il y avait le chef d'orchestre Romain Dumas, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça a été joué en live. Qu'est-ce qu'on entend sur disque? C'est une version studio? Exactement. Qui a été faite? D'accord, ouais, okay. C'est en fait, ça a été joué pendant 10 jours à l'Opéra de Bordeaux. Mm-hmm. T'entendais des variations, toi? Oui. Bah, même en fait, pendant cette période, j'étais même presque tous les jours dans la fosse avec une gomme et en train de changer un peu des petits ajustements et tout ça. Donc, il y avait des variations, effectivement, d'un soir à l'autre. Et puis, il y avait l'idée de pouvoir continuer à créer l'œuvre en direct. Hein. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris à ce moment-là que... je sais pas, Debussy pendant les créations, après la première ou juste avant, il continuait à. Ce qui peut se tenir. Hein, tiens, on va enlever cette partie de trompette ou parce qu'elle était trop dure à jouer ou parce que ça marchait moins bien. Et donc c'est du spectacle vivant. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est même s'il y a eu des longs mois d'écriture, il y a une interaction et un truc qui fait qu'on peut un peu changer, pas trop de choses. On peut pas. Tout est écrit, il y a des centaines de pages sur les pupitres, mais il y a quand même une certaine flexibilité. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui a été enregistré après alors, ça a été enregistré, voilà, donc pour dire, c'était une dizaine de jours. Ensuite, la dernière était un dimanche, en matinée, et le début de l'enregistrement, c'était le lundi matin, en fait, dans un auditorium à Bordeaux aussi, mais avec les mêmes musiciens, ouais. Alors, on y reviendra, j'ai encore d'autres questions, mais sinon encore une pub qui va nous couper, ça ne me va pas du tout, puisque tu nous as amené des disques. Alors au début, je t'ai dit, t'as carte blanche absolue, si tu veux me faire 2 heures de musique classique et nous apprendre, entre guillemets, la musique classique, tu es bienvenu. Il y aura un peu de ça, mais pas complètement, mais un peu. Pas vraiment. Bah là, en fait, on commence un tout petit peu, mais je trouve que ça peut être un peu rébarbatif, donc j'ai préféré avoir David Bowie qui nous parle de la musique classique et qui nous explique un peu le truc. C'est beaucoup plus intéressant si c'est lui qui parle. Thank you. Le Nova Club. Le Nova Club, effectivement. Dans l'ordre, on a eu David Bowie avec ce disque. Putain, c'est une période tellement folle de Bowie, quoi. 1977, il n'enchaîne que des chefs-d'œuvre. Il trouve le temps de faire acteur aussi, il trouve le temps de faire narrateur, en l'occurrence, pour cette adaptation de Pierre et le Loup de Prokofiev. Entièrement, c'est Bowie raconte, moi je me rappelle du début, mais Bowie, tout le disque, il y a Bowie qui accompagne Oui, Pierre bien sûr. Oui, c'est un disque avec un narrateur, en fait, dans l'œuvre de Prokofiev. Déjà. T'as un narrateur et la musique, ouais. Okay. Bon. Tu le savais peut-être, moi j'avais zappé que c'est une musique quand même assez récente, relativement, enfin 1936, quoi. Oui. On n'est pas dans des classiques qui non, non, on d'avant. Est dans le cœur d'un génie du XXe siècle de la musique qui est Prokofiev. Ouais. Et c'est fou comme ça. Enfin, t'es d'accord, je sais pas, on a cette idée presque que ça date d'il y a encore plus longtemps et finalement, ça s'est imposé assez vite dans la culture populaire, j'imagine. Ah ouais, complètement, ouais. Et puis à l'instant, ça c'était toi. Ça c'était, c'était l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine sous la direction de Romain Dumas qui avait la gentillesse de jouer une partie des Amazones de mythologie. Ouais. Voilà, mais c'était quand même quelque chose que tu as écrit. Que j'ai écrit, La partition que tu as écrit. Sur des sujets, parce qu'on a un peu le temps juste avant la pub, tu me dis... T'as une minute, David. Le chef des horloges, ok, très bien. Mythologie, tout le concept, mais il vient d'où? C'est Angelin qui est le concept ou c'est Thomas, idée de mythologie, de jouer sur les mythologies, en l'occurrence les Amazones? C'est Angelin, en fait, mais il a eu cette idée, il m'a demandé de la musique, il n'avait pas vraiment d'idée précise pour son prochain ballet auquel il m'avait demandé de participer, et je lui ai donné ses esquisses musicales un petit peu, et il est revenu après avec la musique que je lui avais donnée, une vingtaine de minutes par rapport à l'heure et demie qu'il y a sur le disque, avec cette idée mythologique qui correspondait finalement à son ressenti, et ça m'allait très bien, donc finalement... Donc on est parti sur ça, et il m'a donné une liste ensuite de mythes qu'il voulait qu'on développe, mais c'était pas très scolaire, c'était assez impressionniste, c'était des petits fragments, des vignettes, des impressions autour de ces thèmes et de ces figures mythiques. Mythologie qui va de l'Antiquité à Roland Barthes et des choses beaucoup plus récentes. Hein, oui, exactement. Ouais. On fait une petite pause publicitaire dans le Nova Club. Derrière, je vous joue un des disques merveilleux sortis en ce début d'année, qui est l'album de Kelela, cette chanteuse américaine, qui fait du R&B futuriste, et c'est vraiment le terme qu'on dit généralement, et qui est signé sur Warp, un label qui n'a pas continué, qui n'a jamais arrêté de produire des artistes assez patients. Tu vas voir, je ne sais pas si tu connais Kelela, super jolie. Juste après la pause, je te laisse répondre. Super, non, j'ai hâte d'écouter. Bon, c'est juste après la pause. Et bon, oui, Thomas ? Oui, non, moi j'ai hâte. Ok, et on retrouve la sélection de Thomas Bangalter qui est avec nous jusqu'à 21h en direct. À tout de suite. Le Nova Club. Nova. Nova. Nova. Le Nova Club. Quelle est là, donc excellent disque, excellent album et merveilleux single dont le nom m'échappe à l'instant. C'est Contact, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle ? Oui, c'est ça. Merci, mais voilà, exactement, extrait de son album qui vient de sortir cette année. Le Nova Club. Nova. Le salon musical de Radio Nova. Avec David Blot. Enfin, tu retrouves les habillages de Radio Nova. Avec grand plaisir. Thomas Bangalter avec nous jusqu'à 21h. Deux, trois questions encore, parce que, par exemple, quand on fait une musique de défilé, je sais qu'on doit à chaque fois... Oui, vous en aviez fait une ou deux. Quand oui, même. À chaque oui. fois, il faut quand même retravailler la durée et tout. Là, je suis étonné parce que t'as pas dit quelque chose. C'est quand même un spectacle dansé. Est-ce que l'interaction avec les danseurs fait changer aussi la partition ? J'ai vu que leur répétition, ils répétaient sans avoir encore ton son véritablement à la base des répétitions. Il y avait quelques maquettes, oui. Et ensuite... Moi, j'ai eu la chance de pouvoir vraiment travailler de mon côté. Angelin m'a laissé un peu même gérer les durées des tableaux telles que je les imaginais, etc. Mm-hmm. Et à ensuite, lui de s'adapter, alors En fait, c'est entre les deux. C'est-à-dire que quand je lui ai donné la musique, il y avait un peu plus, il y avait 1h45. Là, on a décidé ensemble de faire quelques coupes. Et puis lui, dans certains tableaux, il avait besoin de faire quelques répétitions, des fois, de sections et tout ça. Donc il y a eu un travail de montage à la fin, mais qui était assez rudimentaire en même temps. Donc c'était, en gros, c'était avec toute la matière qu'il y avait, il y avait quelques corrections de montage, mais qui devaient quand même être faites assez en amont, parce qu'ensuite, tout le matériel pour l'orchestre doit être édité et... Il y a, je crois, les pages, ouais, faut oui, pas voilà, faire il y a, il y a, quand il y a tout, ça fait, oui, 1500 pages en tout, quand, avec tout, avec tout, avec toutes les copies pour les 55 musiciens. Il n'y a pas 1500 pages originales, mais la partition du. Pourquoi 55 alors? Enfin, divisé par 1500 c'est... divisé par 55. Si c'est pas. Un peu, bon, la partition du chef d'orchestre, elle fait à peu près 250 pages. Là, lui, par page, il a tout l'orchestre. Et ensuite, les parties séparées, ce qu'on appelle les parties séparées, il doit avoir à peu près 600 ou 700 pages uniques. Et selon les flûtes, par exemple, il y a deux flûtistes. Donc, il y a juste chaque flûtiste a une partition. Après, les violons, ils sont 18. Donc, c'est différent, en fait. C'est, voilà. T'as pas eu de faux pas ? Il n'y a pas eu un domaine musical sur lequel t'es pas expert à la base, quand même ? Est-ce qu'il n'y a pas un truc où t'as dit, attends, les violons, c'est pas comme ça qu'on fait, les flûtes, c'est pas comme ça ? Est-ce qu'il n'y a pas eu des remises en cause ? Non-stop, ouais, y en a eu plein. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'était ces longs mois d'exploration. Des longs mois, alors c'était des longs mois d'écriture. Et oui, de... oui. Et puis d'étudier aussi comment ça fonctionnait. Donc, tu l'as fait en amont, c'est ça ? Tu t'es beaucoup nourri de littérature. Je l'ai fait, oui, à partir du moment où j'ai à peu près pendant 6-8 mois, je me suis vraiment documenté avant de commencer à écrire précisément ensuite et à rentrer vraiment dans l'écriture. Et là, quand je suis rentré dans l'écriture. Pardon, et l'écriture, c'était quoi ? Tout le monde te demande ça, mais à la main ? Non, j'avais un programme de notation donc avec les portées. Hein. Donc c'est un peu comme un traitement de texte pour un écrivain. Hein. Donc d'accord. Effectivement, t'es pas la machine à écrire, mais c'est la page blanche. Mais quand t'étais même. Avec un piano à côté ? Non. Dans pas ta tête, alors ? Oui, et puis c'est dans la tête. Et puis aussi, c'est un logiciel de notation où il y a une manière d'écouter un peu le son de manière la note de manière primitive un peu voilà donc mais après c'était un travail voilà j'étais dans un bureau 6-7 heures par jour en train d'écrire de la musique ouais. D'accord, et ça donne le résultat donc mythologie. On continue à explorer les disques que tu nous as amenés. Bon, on la présente pas, peut-être que les gens vont la reconnaître. We'll be right back. Nova. Le Nova Club. La sélection, Thomas Bangalter, qui est notre invité ce soir. D'abord Björk, que vous avez probablement reconnu. Il y a une raison, Thomas ? Je trouve que le morceau est un énorme chef-d'œuvre avec le clip de Michel aussi, Gondry. Michel Gondry. Et c'est vrai que j'ai revu le clip il n'y a pas longtemps et je trouve que la musique a vraiment... Enfin, avec le temps, est devenue encore plus belle. En voyant le clip, ouais. Tu t'es dit ça. Les deux, ouais. Mmh. Non, mais le morceau aussi. Mais c'est vrai que je me rends compte maintenant de la musique des années 90 avec un peu. Mmh. J'arrive à l'écouter un peu différemment 20 ans plus tard. Mmh. Et pour moi, c'est un des plus beaux morceaux quand même de cette période. Et elle avait fait, parce qu'il n'y a que le premier album qui est un peu house et des choses comme ça, c'est dès le deuxième elle qu'elle est partie dans des choses plus symphoniques déjà. Je ne sais pas si le terme est exact. Oui, on en parlait un peu pendant la musique, mais c'est, pour moi je trouve que c'est vraiment une exploratrice qui explore des contrées, des univers. C'est avec un poète c'est un poète ami à elle qui a écrit les paroles d'ailleurs de Bachelorette. Donc c'est vraiment de la poésie à l'état pur et je radote un peu, mais le clip de Michel est d'une poésie aussi ravageuse. Et ils en sont où les clips de Mythologie là? On les attend. Pour les gens qui parce veulent... Parce que t'as l'image normalement. Oui, bien. Transition. Et ouais, merci. Mythologie, donc le ballet, la chorégraphie d'Angelin avec la musique, passe sur Culture Box samedi à 21h. Donc c'est une manière c'était la performance du Châtelet. Oui, parce que vous l'avez rejoué au Châtelet après Bordeaux. Okay. Voilà, et donc il a été capté au Châtelet avec les danseurs de la compagnie d'Angelin et du ballet de l'Opéra de Bordeaux et l'Orchestre de Chambre de Paris, qui est un orchestre différent de celui du disque et qu'on peut voir samedi soir à 21h. Ça te donne tu la vois, tu la sens la différence, que c'était pas le même orchestre Oui, c'était le troisième orchestre après l'Orchestre de Rouen aussi qui le jouait, et c'était très émouvant de voir 55 musiciens et interprètes différents à chaque fois. Tu le sens ça ou À la fois à l'aveugle on mettrait des extraits des trois. Je le sens, mais c'est un plaisir différent chaque fois et moi ça m'a beaucoup touché de voir des orchestres différents jouer la partition. On redit, hein, si c'est Culture Box 21h ce samedi, ça sera rediffusé pendant je crois que c'est en replay ensuite pendant un mois. Et puis là à l'instant c'était extrait d'un ballet là aussi. Pareil, pas si vieux, hein, 1892, c'était la première représentation du ballet de Tchaïkovski. On rappelle que, alors on a eu ton père, on a eu cette chance d'avoir ton père en interview. Il paraît que vous écoutiez tous en famille, d'ailleurs j'ai eu un message après, que toute la famille était en train d'écouter l'interview de ton père et que vous appreniez des choses sur ton père. J'ai appris plein de trucs. Hein. Je t'avoue que grâce à toi, en fait, j'ai carrément, plein d'anecdotes, j'étais pas du tout au courant, donc merci David. Avec plaisir. Moi, je peux refaire des interviews avec ton père, c'est quand il veut, hein, parce que des anecdotes, effectivement, il y en a un paquet. Ta mère était danseuse. Ouais. Mais quand on dit ton père aussi, la danse, on en reparle, hein, parce qu'il inventait des danses et tout. Mais ta mère, elle était danseuse. Je l'avais rencontrée une fois, elle était danseuse de ballet, c'est ça pour alors, le coup. Oui, elle était danseuse classique au départ dans la compagnie de Roland Petit, avec Zizi Jeanmaire. Ça, c'était à la fin des années 50 et une grande partie des années 60. Et ensuite, en 68, elle a intégré à la création le Ballet Théâtre Contemporain, qui était la première compagnie de danse contemporaine mise en place par le ministère de la Culture. Et là, c'était vraiment des trucs hyper avant-garde, avec de la musique de Xenakis, des décors de Calder. Enfin, c'était Amiens, ensuite Angers, ensuite Nancy. Et c'était un monde, oui, elle était à la pointe de l'avant-garde. Alors attends, parce que ton père, il nous disait que tu venais jamais le voir en studio et tout. Et par contre, est-ce que tu allais voir ta mère danser? Ouais. Est-ce que tu as des souvenirs de ça? Oui, bah, en fait, oui, c'est vrai que je suis allé très peu en studio. Et j'ai beaucoup plus de souvenirs des cours de danse et des amis danseurs et chorégraphes et de cette ambiance-là, finalement. Donc la danse, elle a vraiment fait partie de ma petite enfance. Là, en fait, on entendait donc la musique, ouais, un bout de Casse-Noisette, mais c'était l'enregistrement de Stokowski du film Fantasia. Donc mm-hmm. C'est vraiment l'enregistrement de Fantasia. Et on revient aussi à un truc de moi qui ai un film que j'ai vu quand j'étais tout petit aussi, et j'ai un rapport à la musique orchestrale qui est ancré très proche de mon enfance comme ça. Mais bon, quand on parlait à l'époque de Discovery et de Leiji Matsumoto ou de Supertramp ou des Buggles, c'était aussi un rapport à l'enfance. Donc je change pas vraiment d'univers vis-à-vis de ça, en fait. Mais puisque tu ouvres ça, ce truc à l'enfance, j'ai quand même trouvé que des fois les gens disaient la French Touch, c'est quoi tout. Il y avait beaucoup de gens qui avaient des rapports à l'enfance. R, pour moi aussi, était très clairement plongé dans des rapports à l'enfance. On avait quand même ce truc un peu, je sais pas pourquoi, de très bloqué sur une enfance. Ou alors peut-être tous les musiciens sont pareils, mais là ça ressortait peut-être un peu plus fort. Mais finalement, dans le cinéma, c'est pareil. Tu vois souvent des influences. Les influences, souvent, elles sont liées à des œuvres qui sont 30 ans auparavant. Il y a des cycles de 30 ans comme ça. Si tu vois George Lucas ou De Palma avec Hitchcock, ou Lucas avec les space opéras qu'il voyait quand il était enfant, Flash Gordon, il veut refaire Star Wars ensuite. On revisite un peu finalement toujours. Des influences de ou avant qu'on soit né, ou à peu près. Oui, le juste avant est étonnant, ouais, quand on redécouvre un peu. Ce qui est assez amusant maintenant, quand je commence à voir voilà, toute la génération des amis de mon fils qui a 21 ans, et ils sont bloqués sur les 90s et les années 95, c'est genre 5 ans avant qu'ils naissent et tout ça. Et c'est super marrant parce qu'il y a une sorte de mystification comme ça, un peu comme nous avec avec 68, c'est le début 70. Voilà. La disco, je confirme. C'est bien bloqué dans les années 90. Mais c'est pas flippant ça, de s'apercevoir que finalement on n'est que la matrice de sa propre enfance qu'on n'arrête pas de répéter, en l'apprenant toujours pour le sommet de la musique. Bon, t'as assez de recul pour savoir que c'est pas forcément ce qu'on a vécu, pas le sommet de l'art, mais c'est assez... Non, étonnant. Mais ça fait des cycles. En fait, finalement, il y a un vrai truc de transmission. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que on combine des influences, on combine des choses, et on les recrache finalement de manière différente. Et en même temps, il y a un certain... quelque chose qui est transmis en fait de génération. C'est pas vraiment, ça saute des générations, mais finalement ça reste. Je sais pas, je parlais avec un copain hier des Aventures de l'Arche Perdue et de Spielberg qui reprend finalement un truc qu'on pouvait voir dans je sais pas, les albums de Tintin, et finalement qui se transmet comme ça plusieurs décennies plus tard, et ça saute les générations, et ça c'est cool ça. Ouais. Thomas Mangalter avec nous et sa sélection musicale jusqu'à 21h. Là, on met la pub. Je sais plus ce qu'on a dit. Wise Blood derrière, c'était ça l'idée? Chili Gonzalez, effectivement. On garde ce choix. Super. Qui avait fait aussi cette transition, lui aussi, de faire ses 10 pianos, là. Et d'un coup, c'est devenu. Il y a eu 3, je crois qu'il y en a un qui va pas tarder d'ailleurs à sortir. Ouais. Tu veux développer pour. Ah oui, moi, Gonzalez, c'est un très bon ami et un merveilleux professeur aussi. Il m'a appris plein de trucs. J'ai pris des cours de piano avec lui. Il y a longtemps. Ouais. Et puis j'adore parler de musique avec lui. Il a joué sur Random Access Memories aussi. On a cette amitié aussi depuis longtemps. On écoute derrière la pause un morceau de Chili Gonzalez qui était sorti en 2012, extrait du solo piano 2. Le morceau, c'est White Keys, les touches blanches. À tout de suite. Le Nova Club. Nova. Nova. Le Nova Club. Nova. C'est le Nova Club. Nova. Le Nova Club en direct jusqu'à 21h sur l'antenne de Radio Nova. C'était notre ami Chili Gonzalez avec ses exercices solo piano, qui t'a donné des cours de piano, parce qu'on rappelle quand même qu'à la base, Thomas Bangalter, tu n'es pas seul. Si, t'as fait des cours de piano jeune, hein, c'est ça? Oui, mais de 6 à 12 ans, mon professeur était répétiteur à l'Opéra de Paris, donc il faisait danser les danseurs avant l'orchestre, en fait. Ouais. Ah ouais, ça se passe comme ça. Il faisait danser les danseurs, ça veut dire quoi? Je comprends pas. En fait, les répétitions des ballets, à l'époque, quand tu répètes un ballet la journée, t'as pas les 50 musiciens. T'es sur le plateau, t'as pas l'orchestre, et donc t'as un répétiteur. Et lui, il était là pour accompagner les danseurs lors des répétitions, avant que l'orchestre vienne pour la représentation. Mais ça te plaisait, ces cours de piano, ou c'était le truc un peu obligé? Il faut des activités extrascolaires quand on est petit, ou il y avait quand même... Finalement, c'était un personnage qui sortait presque d'un film. Je l'ai dit dans une interview, mais il ressemblait à Buster Keaton un peu. Sur la fin, c'est Buster Keaton qui a joué dans Les Feux de la Rampe. Le triste, voilà. Buster Keaton. Enfin, il n'a jamais été très gay, tu me dis. Oui, mais c'est vrai qu'il était un peu jeune. Et puis après, avec Les Feux de la Rampe, avec Chaplin, il joue ce personnage. Et mon prof de piano, qui s'appelait Pietro Galli, il ressemblait vraiment à Buster Keaton, avec les yeux mi-clos, comme ça, un peu comme s'il il sortait de la famille Adams. Il y avait un truc hyper marrant. Et il me faisait un petit peu peur, mais finalement, je me rends compte à quel point il m'a éveillé à la danse et à la musique et à beaucoup de choses. Mais, et à 11 ans ou 12 ans, quand tu arrêtes les cours de piano, tu refais de la musique jusqu'à la rencontre avec Guimane et tout ou... C'est l'année où je rencontre Guimane à peu près, c'est vrai que je reste au piano un peu, mais beaucoup plus en mode... d'improvisation, et jouer, faire des suites d'accords, écrire un peu des suites d'accords, travailler plus sur l'harmonie, mais j'étais pas très très bon, en fait. J'ai pas un virtuose de... Donc j'étais pas très studieux pour les exercices, mais je me rends compte, je me rends compte quand même qu'il a vraiment compté pour moi. Ce qui est fou quand même, c'est qu'on voit l'évolution, si on prend les débuts des Daft Punk, où tout est sciemment machine quand même, où l'idée est quand même de faire homework, des devoirs à la maison, et avec un jeu de mots évidemment sur ce que house music, la house à la maison, quelque chose qu'on peut faire à la maison, j'imagine, avec des machines, pour arriver aujourd'hui. Alors il y a eu des processus là-dedans, Random Access Memories, déjà c'était bon, Tron, c'était déjà travaillé avec des musiciens, c'était composé autrement pour arriver à ce truc sans machine. Ouais, quand même. Mais finalement ça c'est vraiment, c'est de la house music, si c'est, tu sais très bien avec le bel ouvrage que tu as coécrit, mais c'est l'esprit... Le chant de la machine aux éditions Alia, non il le dit pas, mais c'est l'esprit d'un éclectisme et d'une liberté de passer plein de trucs et d'anticonformisme aussi, et d'un moment donné de passer le truc. Moi j'ai l'impression quand même d'être en dialogue et en réaction avec mon époque, et ça m'amuse de passer de la musique de ballet et Rolling and Scratching et des trucs, et je le vois comme un ensemble, donc c'est un peu le même truc, donc en le fait. Contre-pied. C'est un contre-pied, mais c'est de la liberté avant tout. Donc c'est pas juste quand les mecs passent de Paradise Garage et qu'on s'amuse à passer plein de trucs. Ok, c'est pas juste de la provocation, quoi. C'est insuffler un esprit de liberté, de sortir des cases dans lesquelles on se met soi-même. Et moi j'ai l'impression de continuer ce truc-là. Je suis pas du tout anti-machine, en fait. C'est ce qui m'intéresse avec les machines, c'est la manière dont je peux les maîtriser et créer une émotion humaine avec, et les dominer, et pas être dominé par les machines. Mais je continue à trouver que les machines, c'est super quand c'est des outils et que tu les utilises pour exprimer quelque chose où tu restes en contrôle de ce que tu exprimes. Oui, et puis par ailleurs, on peut le dire que tu es peut-être Guimane aussi d'ailleurs, très réticent à toute technologie, par exemple les réseaux sociaux ou des choses comme ça. Bon, vous n'avez pas eu besoin de vous en servir vous personnellement, mais je sais, par exemple, t'as un smartphone. Là, maintenant, pour le j'ai un smartphone, mais j'ai eu un flip phone pendant 7 ans. Là j'ai eu besoin d'un smartphone un an, parce qu'il y a des trucs que tu ne peux plus faire avec ton flip phone. Ce qui t'énerve d'ailleurs. Ça m'énerve un petit peu, mais bon, non, je... j'aime bien les vinyles, j'aime mieux écouter de la musique sur des vinyles que sur des plateformes, mais je suis pas contre. Ce qui me fait peur, c'est l'aspect un peu systématique, en fait. C'est plutôt que de dire, OK, c'est un système qui marche à 100% comme ça, moi, ça m'intéresse de rester dans les 2% pour montrer qu'on peut encore faire différemment autrement. Et encore avoir la possibilité de choisir. C'est pas pour renverser forcément la vapeur non plus. Hein. C'est juste pour garder cette liberté de dire, voilà, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça, on n'est pas obligé d'être sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas contre les réseaux sociaux, mais on n'est pas obligé forcément de le faire. Tu dis pas renverser. Moi, je rappelle une discussion où tu disais, c'est fou quand même, tous ces boss de Apple, de Google, machin, ils interdisent les smartphones à leurs enfants, ils interdisent à peu près toutes les inventions qu'ils peuvent faire, ils leur interdisent à leurs enfants. Ça te révoltait un peu. Tu disais, mais ils nous vendent tout ça, mais eux, ils interdisent bien. Ouais, ça interpelle, en fait, et ça fait réfléchir. Mais en fait, c'est ça qui est amusant aussi. Moi, j'aime bien l'idée... on en revient à la piste de danse, et qu'à la fois tu as envie de danser, à la fois il y a un moment, un morceau qui est mis, et ça t'interpelle, et ça te pose une question, et tu restes ouvert, et tu as cette ouverture d'esprit, et puis tu essayes de... Et la house music, c'est quand même cette idée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de genre où tu dis, ah bah non, ça c'est pas de la house, tu peux passer clash. On en connaîtrait des gens qui nous ont dit ça, et qu'on respecte quand même, et qui t'expliqueraient... Ouais, mais je pense au départ... De ce truc de Paradise Garage, de Warehouse, d'une ouverture. D'une ouverture où c'est un mélange, et après c'est devenu des sous-genres, mais l'esprit en tout cas. C'est comme si t'as l'esprit punk et t'as cet esprit, c'est justement pas un style musical. Je pense que c'est vraiment plus. Ouais, j'ai pas envie de dire une philosophie, plutôt qu'un. Ouais, plutôt une recherche. Qu'un esprit. Un esprit. C'est un peu bateau de dire un esprit d'ouverture, mais c'est quand même finalement ça. Alors c'est un peu anachronique maintenant aussi, peut-être parce que les frontières sont beaucoup plus libres aujourd'hui, t'en as plus vraiment. Clairement que ce qu'on avait dans les années 90, on mettait un morceau vocal, les gens arrêtaient de danser. Enfin, exactement, c'est quand même super. On ouvre un peu des portes, des fenêtres ouvertes, quoi. On ouvre des fenêtres ouvertes. Voilà, c'est ça. Elles sont déjà ouvertes, les fenêtres, comme on dit. C'est Gad Elmaleh qui avait fait ça. C'est ça, c'est dans La vérité, si je m'en C'est dans La vérité, si je m'en deux. On est des grands cinéphiles. C'est la porte ça qu'il faut ouverte à toutes les fenêtres. Voilà, c'est ça exactement la phrase. Je sais plus qu'on a changé 14 fois le plan. Wise Blood, on en était où dans notre histoire de Palma? Je sais plus. Ah, toi aussi, moi aussi. C'est ça l'idée. Vous m'avez perdu. Non, mais on va. Non, mais voilà. Vas-y, choisis alors. Je pense que. Cinéma. Non, on va Wise Blood. Wise Blood, ouais, depuis le temps. Très bien. Pourquoi Wise Blood? Ah, parce que ça. Bah, je vais dire après. Ok. Très bien. On est avec Thomas Bangalter en direct dans le Nova Club jusqu'à 21h. Nothing in it for me, except a heart that's lazy. Running for my own life now, I'm really turning some time. Looking up to the sky for something I may never find. Stop. treat me right. I'm still a good man's daughter. Let me in if I break, and be quiet if I shatter. Get tired of looking. Club. Wise Blood, c'est le choix de Thomas Bangalter qui avait. T'as dit que t'allais dire pourquoi après. Ah, il avait zappé. J'aime pas trop expliquer pourquoi. Non, mais en fait, moi j'aime bien les morceaux intemporels comme ça où on écoute une chanson, on a l'impression qu'elle a toujours existé. Et moi j'écoute sa voix et ce morceau et j'ai l'impression qu'il existe depuis très très longtemps. Il y a une évidence comme ça. Mais d'ailleurs, elle pourrait presque. Cette chanson, elle pourrait presque être dans le même monde du morceau qu'on va écouter maintenant. De Palma, là. Voilà, ouais, de Palma. Voilà, dans cet même univers de ce film, par exemple. Et c'est marrant parce que tu as mis un Björk, un Wise Blood, et quelqu'un pour moi qui est un peu la marraine, mais enfin elle-même, il y a des générations, c'est Kate Bush. Oui. Un peu. T'as vu ce succès faramineux grâce à une série télé et d'un coup tout le monde s'est mis à réécouter le même morceau de Kate Bush. Quand même. Oui. Je pense que ça te surprend ce genre de phénomène. Ah bah je trouve ça assez intéressant et assez merveilleux parce que en plus la série elle raconte à un moment donné. Il faut écouter ce morceau pour pas mourir en fait et pour survivre dans le scénario. Bah, voilà. Okay. Donc en fait à un moment donné le personnage principal qui elle doit écouter ce morceau en fait et c'est une question de vie ou de mort et il y a vraiment une manière de sacraliser comme ça la cassette, le Walkman et surtout ce morceau là et c'était moi je trouvais que c'était émouvant comme ça d'imaginer toute la planète qui à un moment donné écoute ce morceau qui a une fonction magique en fait et des pouvoirs magiques et où la limite entre la réalité et la fiction se mélange un peu et c'est un peu le propre de la musique, c'est un peu d'unir les gens aussi. Mmh. Mais là, ça donnait, c'était vraiment, c'était pas juste une musique synchronisée comme ça qu'on entend. Ça, elle avait une fonction chamanique et magique dans la série. Série, on parle de cinéma aussi. On se rappelle quand même que à la base, c'était ce qui motivait le plus, c'était le cinéma. Le jeune Thomas Bangalter était plus avec des rêves de cinéma que des rêves de musique. Enfin, la légende veut que... Oui, oui. Distillé par ton père en partie, d'ailleurs, oui. qui dit ça. Bah, c'est une vérité. Chose que tu as approché plusieurs fois de manière détournée. Il y a eu ce film Electromain oui. que vous aviez fait ensemble. Là, on va écouter... Je ne sais pas si tu as fait exprès. Tu as mis deux artistes à la base. Il y a Pino Donaggio et Giorgio Moroder. En fait, c'est deux BO de Brian De Palma. Dont on rappelle que Phantom of the Paradise a été un sacré choc aussi pour vous. Oui. Mais t'avais remarqué que c'était deux BO de De Palma que t'avais mis. Non. Pour moi, c'est non. Non, j'avais pas fait exprès. Ouais. Mais voilà, je suis un petit peu. J'ai pas fait exprès. Mais... Non, mais c'est pas. Je t'engueule, putain. Non, mais ça reste un mythe de tous ces bonhommes réalisateurs. On peut parler de Lucas Spielberg, tout le nouvel Hollywood, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc particulier avec De Palma. Oui, que je partage. Oui, hein, oui, mais c'était un moment de. C'était un peu un moment très important dans mon adolescence, entre 12, 13, 14 ans, comme ça, où les films de De Palma. Déjà, c'était intérieur moins de 13 ans, la plupart, donc tu peux y aller. Enfin. Il cristallise quelque chose autour de la musique, de l'horreur. Et ça m'a marqué profondément. Et tu trouves que c'est marrant parce que j'ai failli mettre un Sakamoto qui lui aussi a fait une BO de Palma. Tu trouves qu'il a un rapport assez fort avec la musique dans de facto. Oui, oui, bien sûr, mais ça se combine. Je parlais de Westblood tout à l'heure et il y a une sorte d'évidence comme ça. Bon, on pourra parler un peu plus de. Écoutons peut-être le morceau qui est la fin de. De Body Double, hein, de Blowout. C'est Blowout, c'est la fin de Blowout. Avant les hurlements. Et voilà. Et moi, Blowout, c'est un film qui me, justement, sur le son, la forme et le fond qui me touche, vraiment. On rappelle, voyez-le, c'est un film. Moi, je l'ai vu, alors j'avais 12 ans, donc j'avais gratté la 1 an, parce que le film est interdit au moins de 13 ans, quoi, avec John Travolta. Et c'est une espèce de. Bon, c'est pas un remake, mais du blow-up, d'Antonioni qui était sur la photographie. Ça reprend la même intrigue, mais sur le son. Donc, si vous êtes passionné de son, franchement, ça vaut le coup de voir Blowout. Et la musique est signée Pino Donaggio. Le Nova Club. Deux bandes originales de films de Brian De Palma. D'abord la BO de Blowout, Pino Donaggio. Et puis juste avant, c'est peut-être même le film qu'il a fait juste avant, hein, Scarface, que vous avez eu des milliers de fois. Non, j'aime bien tous les rappeurs qui disent ah, c'est mon film culte, Scarface. Donc vous aussi, vous, je dis tout à Guimane, vous l'avez peut-être vu mille fois. Ouais, aussi. J'ai pensé avoir vu Blowout plus de fois. Mais ouais, moi, ce que enfin, j'adore les deux. Hein, mais dans Blowout, il a la recherche du cri parfait comme ça, donc il a cette quête du son qui me parle bien. Ouais. Tu l'as rencontré de Palma? Ouais, je l'ai rencontré. Ouais. Et alors? Bah, c'était. Et alors? Écoute, non, c'était intéressant. On a. Il voyait ce que c'était le Daft Punk. Oui. Non, je l'ai. On a rencontré avec Guimane il y a pas mal de temps, mais on a passé 2 heures avec lui à parler. Ouais, c'était super. Et pour Roder aussi. Moroder, j'ai rencontré aussi. Ouais. Oui, je l'ai même interviewé, Moroder. Bah ouais, c'est pour le coup, la seule interview de ma vie, en fait. Ouais. C'était une interview de Moroder qu'on a mis en musique avec Emmanuel. Oui, alors ça donnait le morceau de George. Je me suis toujours demandé, enfin, je sais pas si tu vas le dire à l'antenne, hein, je m'en fous, je te plaît. Pourquoi vous avez pas travaillé avec lui? C'est parce qu'il fait des trucs vraiment pas très intéressants aujourd'hui musicalement. Parce que Nile Rodgers, là, oui, il vient travailler avec nous, Paul Williams aussi. Mais Moroder, bah non, on va t'interviewer. Non, mais en plus, quand on l'a rencontré, il avait vraiment arrêté la musique. Mm-hmm. Et ça faisait plus vraiment partie de sa vie, voilà, on a eu cette idée de créer un morceau interview comme ça, et on lui a proposé, et puis il a dit ok. Il est venu à Paris dans le studio, et c'est moi qui avais fait l'interview. J'ai passé 2-3 heures comme ça avec un ami ingénieur du son de cinéma, Guillaume Lebras, qui fait tous les films de Quentin Dupieux, entre autres, et qui était venu pour on voulait un son plus cinéma et plus documentaire, comme ça, qu'un son studio d'enregistrement, voilà. Mais ce que Moroder raconte, c'est que selon les époques, vous changez le micro pour avoir le micro qui correspondait à l'époque qu'il était en train de raconter. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Oui, non, c'est ça. Lui-même en revenait pas, il disait je comprends pas, ça sonne ouais, pas. Ouais, ouais, non, mais c'était après, c'est toujours c'est comme des petits gris-gris, quoi. Oui, c'est ça, en fait, ça le met dans le mood, probablement. Peut-être que ça s'entend pas au son, mais ça, tu te dis tiens, ça te replonge peut-être dans l'époque, c'est peut-être un peu l'idée. Ouais, c'était un super moment, en fait, et puis c'était très émouvant aussi de lui faire découvrir le morceau. Je me souviens quand on était à Los Angeles, j'allais dire quelques années plus tard, parce que le disque a mis du temps à être fait. Et donc, quand on a pu lui jouer le morceau, on se demandait vraiment comment il allait réagir. Et vous étiez devant lui. Il était très ému. Il était très ému, et on était content de qu'il soit touché. Ouais. Ben, j'imagine. On va faire une petite pause dans le Nova Club juste derrière. Allez, moi j'avais mis deux morceaux de grandes personnalités de la musique qui ont disparu là ces derniers temps. Évidemment, Ryuichi Sakamoto, sur lequel Nova rend hommage parce qu'il nous a rencontrés souvent. Un autre, par contre, malheureusement, lui, il est jamais venu en interview à Radio Nova, qui est Burt Bacharach. Tu sais quoi, je trouve que ton père me fait penser à Burt Bacharach, que j'ai jamais rencontré, hein, mais il y a un truc physique, je trouve, entre deux, quoi. Ah ouais, bah c'est l'élégance incarnée. c'est ça. Non, mais c'est vrai, ils sont des hommes élégants. Et la musique de Burt Bacharach te parlait? Oui, complètement. Est-ce que tu connais ce morceau? Parce que, tu sais, que c'est marrant, lui, il a enchaîné les tubes pendant 5-6 ans, enfin, c'était monstrueux, puis arrivent les années 70 et tout devient beaucoup plus compliqué. Ils s'embrouillent avec John Warwick, ils s'embrouillent avec Al David. Ce morceau merveilleux qui date de 73, qui s'appelle Something Big. Je pense que tu vas le reconnaître quand même. Vas-y. On écoute ça après la pause et on revient à la sélection de Thomas Bangalter qui est avec nous dans le Nova Club jusqu'à 21h tout de suite. Le Nova Club. Nova. Le Nova Club. Nova. Le Nova Club. Like a grain of sand that wants to be a rolling stone, I want to be the man I'm not and have the things I really haven't got, and that's a lot. There'll be joy and there'll be laughter, something big is what I'm after now. Yes, it's what I'm after now. lifter, a taker, a taker, a giving. Something big is what I'm living for. Yes, it's what I'm living for. Living for. Why did I go on and fill my life with little things when there are big things I must do? Lots of dreams that really should come true before I'm through. There'll be joy and there'll be laughter. Something big is what I'm after now. Yes, it's what I'm after now. Laughter, a taking, a take up, a giving. Something big is what I'm living for. Yes, it's what I'm living for. Something Big, c'était Burt Bacharach en solo, j'ai envie de dire, parce qu'il était ni avec Dion ni avec Al David en 1973. Tu préfères les morceaux qui chantent ou les morceaux qui cutent, Thomas Bangalter? Il y a une règle. Pour la radio, c'est mieux ceux qui cutent. Mais grave, c'est pour ça que c'est l'envie. En vrai. Nous, c'est relou les trucs qui chantent et tout. Mais même en tant que, c'est pas plus jouissif un morceau qui se conclut, sauf s'il y a des boucles. C'est agréable, j'aime bien préparer les chintes comme ça quand on fait la gravure d'un disque. Ouais. Mais c'est vrai que quand ça cut, en fait, quand on chante, c'est qu'on n'a pas vraiment réussi à faire de fin, que c'est ad libitum comme ad-lib, ça. Ouais. Sauf peut-être des morceaux qui se tiennent dans des boucles, chose que vous connaissez quand même, quoi. Ouais, mais c'est oui, bien sûr. Mais c'est vrai que quand on arrive à faire une fin, ouais, et que ça cut et que ça cut bien, c'est assez gratifiant. Et quand on fait DJ aussi, moi j'aime bien les morceaux qui se cutent parce qu'on peut enchaîner. Ouais. Mais combien de temps que tu n'as pas fait DJ ou toi et Guiman vous avez pas fait DJ? Parce que c'est un truc que vous faisiez au début, puis les lives ont supplanté ça. Wow. j'ai dû faire. Ouais, ça fait longtemps. Ouais. Ça fait longtemps. Non, on a vu des trucs où t'étais avec Mehdi. Enfin, ça, forcément, ouais. Ça remonte déjà oui, aussi, quoi, ça forcément. Fait, ouais. Ouais, ça doit être une 10-12 ans, ouais, je sais pas. Et en club, j'imagine que tu n'y vas pas souvent non plus, que tu sors pas. Ah, j'étais aux 20 ans de Headbanger au Rex Club il y a 3 semaines. Et ça t'a fait quoi de replonger dans les antres du Rex Club? C'était cool, c'était la première fois que j'y allais avec mon fils surtout. Ah. Aller en club avec son fils, c'est un délire qui était cool, ouais. Tu lui as payé à boire? Comment ça s'est passé? Écoute, non, on nous a offert à boire. Mais c'était marrant, c'était surtout ça. Et puis il y avait Armand Van Elden que je n'avais pas vu depuis longtemps et ça m'a fait plaisir de le revoir, oui. On continue un petit peu avec ta sélection musicale, mais on vient de se dire, on a dit des choses et comme d'hab, je les ai oubliées. Oui. Attends, j'ai pas fumé aujourd'hui. C'est pas normal cette histoire. On écoute un Thomas. Voilà, merci. On écoute un morceau de mythologie. Alors, c'est quoi la mythologie de l'accouchement? Pourquoi l'accouchement? Parce qu'on a dit le thème, c'est. C'est dans l'histoire, en fait, c'est Danaé, en fait, qui rencontre Zeus et qui accouche de Persée, en fait. Voilà. Mais. Tu m'as bloqué. Je sais pas. Ok, voilà. Mais bon, c'est. C'est l'accouchement mis en musique, voilà. Après, ça peut être cet accouchement-là ou n'importe lequel. Et ça peut être la métaphore de, je sais pas, la création, des choses qui prennent du temps, qui sont difficiles et où il y a un apaisement et qui vont vers la sérénité, vers l'apaisement. Tu veux dire quand t'as fini les 1500 pages, enfin moi. Mais... Oui, non, mais c'était n'importe quel type de création ou c'est comme celle de. Ouais. Mythologie 10, l'accouchement. Le Nova Club. Le Nova Club. Waouh, quelle fin furieuse quand même de morceaux. Donc dans l'ordre, c'était Thomas lui-même, extrait de Mythologie qui vient de sortir, L'Accouchement en l'occurrence. Et puis dans la galaxie des Underground Resistance, c'était Galaxy to Galaxy, un des nombreux projets de Mad Mike au moins, et peut-être d'autres membres, mais enfin ça reste toujours assez mystérieux. Là, ouais, c'est banal de dire retour à tes premiers amours, qui ce n'est pas vrai en plus, parce que tu n'as pas commencé à écouter de la musique en écoutant Underground Resistance non plus, quoi. Mais, en tout cas, ça fera penser. Ouais, bah des musiciens qui se cachent comme ça. Oui, en plus, par ailleurs. Ouais. Et tu t'as fini par tous les rencontrer. D'ailleurs, est-ce que tu avais envie, mais est-ce que t'as... Bon, Jeff Mills, j'imagine. Oui, Mad Mike, on l'avait rencontré, ouais. Je l'avais rencontré au Queen, je crois. La fois où il était venu, tu te rappelles cette anecdote, je la raconte. Il pleuvait, le mec fait la queue, nous on va le voir, on reconnaît, je sais pas comment quelqu'un nous DJ Deep a nous dire c'est Mad Mike, on va le voir, on lui dit skip la queue quand même, c'est gratuit de toute façon. Ouais. Non, je fais la queue comme tout le monde, il est hors de question qu'il reste sous la pluie pendant une demi-heure, et il a fini par rencontrer, c'est la seule fois où tu l'avais vu quoi. Peut-être pas, je me souviens plus, mais je me souviens l'avoir rencontré là la première fois. Ouais. Est-ce que tu suis quand même un peu tous ces gens, parce qu'on se rappelle de ce morceau Teachers aussi, et puis le fait que vraiment vous avez mis en avant tous ces pionniers de Chicago, de New York, est-ce que tu suis encore un peu leur actualité à tous ces gens, pas, humainement pas, en tout cas? Pas tous, j'essaye un petit peu, mais après la vie sépare un peu les gens, mais on les c'est un peu comme je parlais de Armand tout à l'heure, on ne s'était pas vu depuis... Depuis une dizaine d'années, et on se revoit, et c'est cool parce qu'on a vécu des choses quand on était tout jeune. Donc ça fait toujours plaisir de voir des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et mais je les suis pas tous, mais en tout cas je continue à écouter des morceaux comme ça, ouais. On va parler de Phoenix, t'as un peu collaboré, bon, je les connais depuis Wet Milan. Tu sais que la première fois que tu m'en avais parlé, je parlais à l'époque, ils avaient encore rien sorti, tu m'as dit, tu vas voir, c'est mieux que nous, c'est mieux que ce qu'on fait encore. C'était comme ça que tu vendais Phoenix? Non, j'ai pas dû dire, mais mieux que nous, ce serait hyper présomptueux de dire, c'est déjà que c'est, comme ça voudrait dire, enfin, je sais pas. Bon, ça c'était pas si présomptueux, au contraire, à dire que leur musique était mieux que la tienne. Non, mais c'est mieux que tout, mais que nous. Alors, Phoenix, c'est mieux que tout pour toi. Non, mais c'est super bien, Phoenix. Donc, ouais, c'est des amis de très longue date. On s'est rencontrés il y a plus de 30. Ouais, ça fait 33 ans, je crois. Oui, il y a eu un groupe éphémère que tu partageais avec un des Phoenix. Oui. Et là, c'est ça, tu les as un peu. Eux qui avaient Zdar. Tu connaissais bien aussi Philippe Zdar, souvent comme référent, là, c'est un peu vers toi qui sont retournés sur cet album, si j'ai bien compris. Un petit peu, mais j'avais oublié en fait que c'était moi qui les avais mis en contact aussi avec Philippe en fait, à l'époque. Mais ils m'ont demandé de venir en studio, écouter un peu leur travail et de leur donner un peu un regard extérieur. Voilà, donc je trouvais que c'était vraiment la place de Philippe, et comme Philippe n'était plus avec nous, j'ai accepté, et pour Philippe, et pour eux, et parce que ce sont mes amis. Voilà, et ce morceau... Super beau ce morceau. Je l'adore. Bon, allons-y, écoutons-le. Winter Solstice, extrait du dernier album de Phoenix, et le choix de Thomas Bangalter, qui est avec nous dans le Nova Club. Nova. Stood, but I will stay with your day. Les Phoenix sur Radio Nova, Winter Solstice, extrait de leur dernier album en date, pardon, qui s'appelle Alpha Zulu. Je sais pas pourquoi la pub est revenue en masse aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ta présence, hein, qu'il n'y ait pas de paranoïa, c'est décidé à l'avance, mais il y en a. Donc il y a encore une petite page publicitaire. Alors, on était en train de dealer le dernier disque, alors on en est où? Non, mais on va. On dit rien? On veut la dire. Surprise. Oui, bien sûr. Daft Punk. Juste après la pause, donc, le dernier disque. Le Nova Club. Nova? Le Nova Club. Club. Nova. Le Nova Club. I am a simple man and I sing a simple song. I've never been so much in love. I never hurt so bad. At the same time, I am a simple man and I play a simple tune. I wish that I could see you once again across the room, like the first time. I just wanna hold you, I don't wanna hold you down. You're saying and you're spinning my head around and I can't make it thank you. Paul Williams, c'était le choix de Thomas Bangalter. Ce personnage qui est vraiment pas comme les... Enfin, que vous avez un peu exu. Enfin, il y a des Américains. Mais non, mais sérieusement, moi je pense que plein de gens ne voyaient pas qui était Paul Williams, parce que les références peuvent être un peu... c'est Phantom of the Paradise. C'est le patron de quoi aujourd'hui, de l'espèce de SACEM américaine, non, c'est de ça l'ASCAP, oui, ouais. Mais c'est un auteur-compositeur, interprète de génie, vraiment, un vrai poète. Il a écrit les chansons des Carpenters, quelqu'un que j'adore et qui me touche dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est. Quand j'entends la texture de sa voix, ça m'émeut et je l'adore, ouais, vraiment. Mais par exemple, quand Random Access Memories est sorti, plein de gens ne voyaient pas qui était. Enfin, moi, c'était mon cas, hein. Je connaissais le nom, mais sans voir qui c'était. Je sais pas, en fait. Ah ouais, tu te vois enfin, pas. Tu l'as pas découvert, toi, avec Phantom of the Paradise? Oui, mais ouais, et puis avec les Carpenters. Enfin, non, peut-être avec. Mais ouais, comme moi, je l'ai découvert à 12 ans, 11 ans, 12 ans, et c'était mon idole. C'était ton idole à 11 ans, 12 ans, Paul Williams? Ça, j'en avais plein, mais ouais, c'était, ouais, bien sûr, comme c'est le méchant dans mon film préféré à ce moment-là, et c'est le diable, c'est Faust, enfin, il y a un truc qui est hyper puissant, et pour nous, ouais, c'est faire ce morceau, pour moi, écrire des chansons avec lui et l'enregistrer, chanter sur le disque, c'était hyper fort et hyper hyper émouvant de créer une boucle comme ça. On parlait de l'enfance, ouais, c'est super super fort enfin fort dans le sens émouvant. La dernière sélection, on revient au cinéma aussi, hein, parce que c'est un thème de James Bond en l'occurrence. Oui, il y a des arrangements merveilleux de cordes, et puis j'aime bien le titre aussi de ce James Bond. On ne vit que deux fois. On ne vit que deux fois. On dira qui c'est après. Tiens. Only Live Twice, c'était Nancy Sinatra et John Barry pour conclure ce Nova Club. Le mot de la fin, c'est pour toi, hein, Thomas. Enfin, je dirai au revoir après. Merci, David. Merci de m'avoir reçu. Oui, dans bah, ton avec émission. Grand plaisir. Si tu reviens avant 10 ans, c'est la prochaine fois, saison 2. Ouais, ouais, bien sûr. Il y a d'autres projets qui vont arriver. Ouais. Tu bosses? Oui. Ok. Pareil que vous avez gardé le même studio et c'est une semaine. Avec Guimane. On alterne, ouais, on essaye. La garde d'enfance et le studio. En fait. Un petit peu, ouais, ouais. Non, c'est super, on a tout notre matériel en commun et c'est bien. Bon, merci beaucoup Thomas Bangalter de cette visite dans le Nova Club, ça nous a fait rudement plaisir. Merci David. Mythologie est disponible soit en coffret vinyle très très beau comme je l'ai dans les mains, ça vous fait une belle jambe, on est en radio, soit en CD, et ça passe sur Culture Box, le spectacle, le ballet. En samedi soir à 21h. Et voilà, et ça sera rediffusé, comme ça vous pourrez entendre la musique de Thomas sur les pattes de danse. France, de la troupe du Théâtre National de Bordeaux et d'Angelin Préljocage. Voilà. Merci Thomas, à bientôt. Merci Melvin Schlemmer, merci Rachel Mbiga. Demain, je suis tout seul chez moi, et comme on n'a pas fait de lundi nouveauté depuis 15 jours, ça sera un lundi nouveauté qui s'appellera mercredi nouveauté, en l'occurrence, parce qu'on est mercredi. Et jeudi, je crois qu'on va parler cinéma, non, musique et livres. Ouais, mais il faut que je trouve avec qui. Allez, bisous, bonne soirée, ciao Thomas, merci. Ciao David. Le Nova Club. Nova. Ce soir, c'était bon, mais demain, ça sera peut-être meilleur. Le Nova Club en podcast sur nova.fr. Nova. Merci d'avoir choisi d'écouter ce podcast. Partager de la musique, c'est essentiel pour nous et c'est le meilleur moyen de s'évader. Airbnb, le sponsor de cet épisode, permet aussi cette évasion, mais en plus, grâce à la plateforme, vous pouvez vous faire un peu d'argent et arrondir vos fins de mois. Pour ça, il suffit de devenir hôte, et il n'y a rien de plus simple. Si vous avez une chambre d'amis ou un logement entier à mettre sur Airbnb pour un week-end, une semaine ou même un mois, c'est possible. Vous pourrez même partager votre passion pour la musique en faisant découvrir votre sélection de vinyles à vos prochains invités. Découvrez ce que votre logement pourrait vous apporter sur airbnb.fr/hôte. Cela pourrait financer vos prochaines vacances. Sur ce, bonne évasion et bonne écoute. Évasion et bonne écoute. Évasion et bonne écoute. Évasion et bonne écoute. Évasion et bonne écoute. Évasion et bonne écoute. Évasion et bonne écoute. Évasion et bonne écoute. Évasion et bonne écoute. Évasion et bonne écoute. Évasion et bonne écoute. Évasion et bonne écoute.